Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue chez Décennies pour ce nouveau cadeau bonus. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro, et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Fallet. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Alors Olivier Fallet, par quoi commencer? Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les rares auditeurs de la galaxie Décennies qui ne te connaissent pas? Eh bien, je suis Olivier, je travaille dans l'univers de l'animation, du dessin animé, de la musique. Depuis pas mal d'années, puisque j'ai commencé il y a déjà plus de 30 ans en faisant de la radio sur une radio qui s'appelait Super Loustic. C'est une aventure qui a duré finalement pas si longtemps que ça, quelques années seulement, mais en tout cas ça m'a permis d'entrer dans cet univers et j'en suis jamais sorti. J'ai fait à partir de là tout un tas de choses. J'ai été journaliste, j'ai travaillé pour des éditeurs qui sortaient des séries en vidéo. J'ai fait des émissions aussi sur la chaîne manga, voilà. Et aujourd'hui, je travaille pour une plateforme de streaming qui diffuse de l'animation japonaise qui s'appelle Crunchyroll. Et tout en continuant d'exercer ma passion en intervenant sur des salons pour animer des conférences, toujours un petit peu dans ces univers-là, que ce soit la musique d'animation, le cinéma d'animation ou le manga. D'accord, donc on a des connexions évidente. Enfin bon, Olivier, moi je te sais un petit peu modeste parce que moi j'ai fait mes devoirs. Monsieur Olivier a une fiche Wikipédia, voyez-vous. Et j'ai noté quand même que tu avais créé un label de musique, Logarithme. Alors, sauf erreur, moi j'ai marqué que c'était de 2001 à 2004. Et je te cache pas que j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce que évidemment il y a des connexions avec le sujet du jour, parce que la musique des dessins animés, évidemment c'est le sujet du jour, donc le sujet c'est la belle histoire des génériques télé. C'est un sujet qui nous passionne au sein de Décennies parce qu'on a, au fil des saisons, c'est quelque chose qui revient tout le temps. On a déjà parlé des Mystérieuses Cités d'Or, du Liste 31, Capitaine Flamme, tout ça. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette maison d'édition que tu avais créée, parce que moi, je me souviens très très bien avoir acheté les disques et j'avais tellement aimé notamment la BO des Mystérieuses Cités d'Or que j'avais contacté Yannick Rowe pour qu'il vienne nous exposer son travail et sa collaboration finalement avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce label ? Alors ce label, c'était un petit peu un rêve. Comme on le disait, j'ai commencé en faisant de la radio. Et puis au fil des années, j'ai toujours été un peu frustré parce que passé justement les années 80, début des années 90, il y avait régulièrement des compilations qui sortaient avec des génériques de dessins animés ou des CD. Mais je trouvais toujours ça incomplet, toujours très bien remasterisé. Donc j'avais depuis longtemps dans l'idée d'essayer de pouvoir faire ma propre collection comme moi je l'aurais rêvé. Et j'ai eu cette opportunité grâce à Yves Huchès, qui était à l'époque le fondateur et patron du label IDP, qui éditait déjà beaucoup de séries nostalgiques, Capitaine Flamme, Tom Sawyer. Et on s'est associés. Il voulait diversifier ses activités. Donc voilà, moi je suis arrivé avec ce projet d'éditer deux sortes de choses. Tout d'abord, des génériques français nostalgiques dans leur meilleure qualité possible et en essayant de retrouver aussi certains qui n'avaient jamais été édités. Et puis aussi des bandes originales, des musiques. Et pour ça, on est allé acheter des droits au Japon ou alors des séries dont les musiques étaient faites en France, comme les Mystérieuses Cités d'Or, Ulysse 31 ou les séries Il était une fois. Et on a sorti ainsi donc une collection avec peut-être une trentaine de CD qui alternaient des compilations et des bandes originales. Là, t'as édité jusqu'à 30 CD quand même. Oui, alors j'ai plus le nombre exact, mais les compilations, il y a dû y en avoir au moins une bonne douzaine. Ouais. Et les CD, oui, on avait dépassé la vingtaine d'OST qui étaient numérotées en plus à chaque fois. Donc je crois que parmi les derniers, il y avait les Monts Engloutis qui devaient être déjà peut-être 20-25, je ne me souviens plus très bien. En préparant un petit peu l'émission, on a échangé sur le sujet. Et moi, je t'avais confié que j'avais acheté la BO d'Ulysse 31 à l'époque. Et c'est un dessin animé que je connais par cœur parce que, un peu comme Yannick l'expliquait dans l'émission, tu sais, il enregistrait carrément directement sur l'enceinte les musiques qu'il entendait. Moi, c'était pareil avec Ulysse 31. Et j'ai souvenir de l'épisode qu'on avait déjà évoqué en émission où, tu sais, Ulysse prend la place d'un flipper, donc de la boule de flipper. Et c'est une musique qui m'avait profondément marqué. Et je me souviens que sur le CD que tu avais édité, malheureusement, on l'entendait un tout petit peu. Je crois que tu en avais parlé chez notre ami Damien de Anime No Melody. Alors, au risque de dire une ânerie, je crois que tu récupérais les bandes internationales, c'est ça, Olivier ? Oui, c'est exactement ça. Parce que tu n'avais pas les masters musicaux. En fait, le souci d'ailleurs, et qu'on a rencontré sur beaucoup de choses en faisant Logarithme, c'est que les gens étaient prêts à nous vendre les droits des chansons. Malheureusement, ils n'avaient aucun matériel, que ce soit les génériques, ils ne savaient pas où c'était, s'ils les avaient gardés ou pas. Et pour les musiques, c'était, alors à part les Japonais, qui eux sont beaucoup plus carrés et qui conservent bien les choses, mais tout ce qui est, et à part aussi la société Procidis, pour Elle était une fois aussi, qui archive bien son matériel. Que, chez Damien, tu avais dit qu'il t'avait... qui vous avait ouvert les portes. Ah oui, là, c'était fabuleux. Il y avait des magnifiques archives, hein, je crois. Voilà. Mais par contre, chez Saban, d'ailleurs, que ce soit les Cités d'Or ou Ulysse, le problème était le même, ils n'avaient rien. On a essayé de faire des recherches à l'époque, mais on est au début des années 2000, Internet est un peu balbutiant, on ne peut pas rentrer en contact. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile et les opportunités sont différentes. Mais à cette époque-là, quand l'ayant droit nous dit « bah non, on n'a rien », c'est un peu difficile d'aller voir ailleurs. Donc, on avait pris le parti, on s'était résolu à, puisque visiblement ils avaient vraiment rien. La solution c'était de reprendre à partir des bandes ce qu'on appelle le doublage international, c'est-à-dire c'est les bandes qui servent à faire le doublage, c'est-à-dire il y a une piste où il y a les bruitages et les musiques, mais il n'y a pas les voix. Donc déjà, si on enlève les voix, ça permet de récupérer des musiques qu'on n'aurait pas pu récupérer à chaque fois où ça parlait. Donc ça ouvre le champ des possibilités. Mais ça reste malgré tout très limité, déjà parce que la qualité sonore, elle est plutôt médiocre, puisque c'est du son en mono qui est déjà mixé sur des supports vidéo, donc c'est un vieux support qui a mal vieilli. Et puis évidemment, par contre, les bruitages et les musiques, ils sont malgré tout déjà mélangés. Donc c'est pour ça qu'on entendait ces bruits de flipper. Pourquoi celui-ci qui m'avait marqué, Olivier ? On n'entendait pas sur les autres arriver. On avait fait une sélection drastique. Et puis en faisant aussi du découpage, une musique qui était dans plusieurs épisodes, on la mettait à la suite. Puis on passait de l'une à l'autre pour essayer de reconstituer le morceau le plus entier. À chaque fois qu'il y avait un bruitage. Travail de fourmi un peu. Mais oui, parce qu'il faut faire ça sur 26 épisodes, repérer chaque musique, voir ensuite si ça colle, si c'est raccord. Donc on avait comme ça extrait un certain nombre de musiques qui étaient à peu près propres, même si des fois elles étaient raccourcies par rapport à leur vraie version. Et puis, ça ou rien du tout. Voilà, c'était ça ou rien en fait. Et la musique du flipper, en fait, elle est tellement importante, cette musique, que ça faisait mal au cœur de ne pas la mettre. Donc effectivement, même si on entendait le flipper et même si on a essayé de faire du montage là aussi, on l'a quand même mise parce qu'elle était vraiment trop importante, cette musique. Mmh. Voilà, mais bon, ce CD, il a été critiqué à l'époque, ce que je comprends. Et puis on a été clair, hein, on avait communiqué sur le pourquoi et la démarche de sortir quand même ce CD tel qu'il était. Et puis par la suite, finalement, ces bandes, elles ont vraiment été retrouvées. Ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, elles ont fini par ressortir. Aujourd'hui, on peut écouter en fait une réédition de de l'OST finalement de l'Ulysse 31, c'est ça? Oui, bien plus complet, parce qu'encore une fois, nous, dans ce qu'on a pu récupérer, il y avait plein de choses qui étaient inexploitables, des musiques qu'on n'avait même pas mis à l'époque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'album qui est sorti il y a quelques années, c'est un double album et il est très très complet. Alors que nous, à l'époque, on avait au mieux, je crois qu'on avait extrait à peu près 40 ou 45 minutes de musique seulement. C'était quelque chose de résigné. À l'époque, c'était ça ou rien. Et on était vraiment persuadés, parce que vraiment, les producteurs et les ayants droit disaient non, on n'a rien, vous ne trouverez jamais rien d'autre. Donc voilà, on s'était dit, c'était vraiment pour pallier à ça. Ok, donc là, on va attaquer dans le dur. Hein. Le sujet du jour, c'est la belle histoire des génériques. Est-ce que tu pourrais tout simplement nous parler d'où t'es venu ce projet ? Et puis, si tu peux aussi nous parler de la collaboration que tu as eue sur ce projet et du personnage de Rui Pasquale. Alors, ce livre, il est né un petit peu lentement, mais sûrement. Ça fait des années que je vois des gens autour de moi qui me disent que je devrais écrire un livre, mais quand je dis des années, ça fait 20 ans. Mmh. J'ai jamais eu l'occasion, jamais pris le temps, jamais trouvé vraiment le sujet qui pourrait mériter le sujet d'un livre entier. Voilà, et puis ça s'est accéléré ces dernières années. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi. Avec les festivals, les événements. Et puis surtout aujourd'hui des éditeurs aussi qui sont vraiment spécialisés dans ce créneau un petit peu geek, pointu. Avant, moi, ce qui m'avait aussi refroidi, c'était de partir avec un projet, d'aller frapper à la porte de grands éditeurs, ouais. Et de les convaincre que quelque chose sur le dessin animé ou sur les chansons, ça pouvait être intéressant. Et il y a quelques années, Animeland, du coup, que je connais bien pour y avoir donc travaillé pendant longtemps, avait lancé sa branche d'édition avec le label Inis, et notamment là, voilà, ils avaient plein de projets et qui ont été écrits par des amis comme Mathieu Pillon, comme Paming Chu. Donc voilà, je me disais, moi, il serait peut-être temps du coup de faire quelque chose. Et puis là, effectivement, c'est des gens que je connais, ça serait peut-être plus facile. Oui, tu avais accès aux sources, en fait, entre guillemets. Voilà. Et surtout, un éditeur que je connais, j'avais pas envie aussi de faire un livre et de devoir ensuite me battre aussi avec un éditeur pour dire, ah ben non, faut mettre plus de pages de ça, ou qu'on me dise, ah ben non, faudrait réécrire ça. Donc déjà, je savais qu'avec Inis, il y aura une confiance qui s'établirait dès le départ. Et effectivement, pourquoi les génériques ? Quelques années avant, j'avais participé à l'organisation du concert par la Fée Sauvage au Grand Rex. Ah, je l'ai loupé, ce passage. Qui s'appelait Anime Nostalgie, qui avait réuni... C'était en 2016, non ? Oui, voilà. Je venais de déménager, j'ai pas pu y aller. J'étais tellement frustré parce qu'il y avait tout. Ils étaient tous là. Il y avait une quinzaine de chanteurs. C'était une belle affiche dans une belle salle. Je suis juste un petit maillon qui a aidé en tout cas à mettre en contact les chanteurs et puis qui a un peu donné mon avis sur les choix des chansons avec le reste de l'équipe. Mais en tout cas, c'était un beau projet. Et de revoir tous ces chanteurs, d'en voir certains que je connaissais pas et d'autres que je connaissais, je pense que c'est à partir de là qu'a commencé l'idée de remettre un coup de projecteur sur... Parce que finalement, ces chanteurs, comme je dis souvent, on connaît leur générique, mais on ne connaît pas forcément les interprètes. Non. Évidemment, il y en a quelques-uns, il y a Bernard Minet, Jean-Paul Césari, Marie Dauphin, ça c'est des personnalités qui sont connues, mais beaucoup de génériques sont chantés par des gens qui sont connus dans la profession, qui ont souvent tout un parcours et toute une histoire, qui ont fait des tas de choses, d'ailleurs, tout aussi passionnantes que leur générique. Et les génériques sont souvent arrivés comme ça à un moment dans leur carrière. Souvent, ils n'imaginaient pas d'ailleurs que ça allait être quelque chose d'important. Oui, c'était une commande, point. Oui, voilà, ou de la prestation. Souvent, c'est des choristes, c'est des musiciens, ils viennent faire un cachet, ils font une voix, et puis voilà, et ils pensaient qu'on n'en parlerait plus après. À force d'avoir recueilli ces témoignages, et puis aussi, j'en reviens toujours à mes sources, la radio, Superloustique, je passais déjà tous ces génériques, donc j'ai grandi avec ça. Oui, ça ne t'a jamais quitté. Voilà, en fait. C'était le sujet de l'émission que je faisais aussi à l'époque. Donc voilà, c'est à partir de là, j'ai commencé à tenir un sujet, et je me suis dit, il y a peut-être quand même de la matière pour faire un livre, et puis comme les génériques, ça parle à tout le monde, c'est quand même quelque chose qui pourrait pas être juste un truc pointu pour quelques spécialistes. Ensuite, pourquoi et comment Rui est arrivé sur ce projet ? Lui aussi, c'est un passionné de générique. Alors, nos parcours s'étaient un peu séparés à ce moment-là. On a travaillé longtemps ensemble à Animeland, parce que c'est lui qui avait repris les portraits de voix quand j'avais arrêté de m'occuper des interviews des comédiens de doublage. Et puis après, il a fait beaucoup d'articles pour Animeland quand j'étais rédacteur en chef, donc on se connaît depuis longtemps. Je sais que lui aussi, il est très branché générique. Comme moi, c'est un collectionneur. Alors, il est un peu plus jeune que moi, mais c'est un collectionneur aussi. Il est brocante, il connaît toutes les versions, toutes les éditions. Et je savais aussi que c'était un projet qui pouvait l'intéresser. En plus, il a aussi des contacts, parce que pour avoir été, on en parlait, tu sais, en préparant à Chambéry, un festival rétro. Je suis désolé, j'ai mangé le nom, c'est bête. Mais enfin, en tout cas, il y avait donc plusieurs on va dire, chanteurs de notre génération. Et c'était Rui qui les présentait, enfin qui était... Ah oui, parce que maintenant, voilà, il est aussi producteur, il gère une tournée qui s'appelle Générique TV Party, où il s'occupe aussi, il est un peu l'agent pour placer des chanteurs, justement, ouais. et son spectacle dans des conventions ou dans des événements. Donc voilà, pour toutes ces raisons, du coup, il est aussi un peu complémentaire de ce que je pouvais avoir. Donc voilà, on s'est appelé, je lui ai parlé de ce projet, et même si au départ, je ne pensais pas forcément le faire avec lui, bah forcément, lui aussi, c'est quelque chose qui le titillait. Bah, super. En fait, vous aviez ça dans un coin de votre tête, chacun. Exactement. Bah, c'est exactement. Génial. Et du coup, bah, on s'est dit, autant le faire ensemble, plutôt que de faire deux projets qui seraient peut-être différents, mais mm-hmm. c'est pas non plus un sujet qui mérite 36 000 ouvrages. Voilà, et du coup, bah, après, on s'est partagé, on a décidé ensemble à peu près de ce qu'on allait mettre dedans, de ce qu'on allait traiter, et puis après, chacun s'est occupé des portraits des différents chanteurs suivant les affinités qu'on avait chacun avec l'un ou avec l'autre. Mais il n'y a pas une partie des textes qui est faite par lui, une par moi. En fait, on a de base écrit chacun des textes, mais après, il y a eu beaucoup de ping-pong et effectivement, tous les textes sont lus et relus par l'un et l'autre, complétés. Et c'est vraiment une écriture à quatre mains. Ok. Alors, toujours pour rester sur le livre, parce que franchement, c'est vraiment un sujet passionnant. Je pense que, bon, tu as un petit peu répondu, mais est-ce que malgré tout, ça a été simple ou plutôt difficile d'obtenir bah, des infos sur les auteurs, sur bah, les œuvres, etc. Ou tout simplement, est-ce que bah, les gens bah, sont passés à autre chose ou... Alors, ces infos, au départ, on les avait déjà, en bah, fait. C'est parce ce que je me suis dit, ouais. Que ce soit moi, Claude Lombard, la première fois que je l'ai interviewé, c'est en 1988. Ah oui, bon. Donc, Bernard Minet, je l'ai rencontré dès que je suis arrivé à Paris pour la radio Super Loustique. C'était aussi, je crois, vers 89-90. Donc, okay. Un certain nombre de chanteurs. Jean-Paul aussi, Jean-Paul Césari, il était venu dans mon émission. C'était la première interview où il parlait vraiment de générique, aussi vers 1990. Et donc, voilà, donc, pour beaucoup de chanteurs comme ceux-ci, on connaît déjà leur parcours. Rui aussi, il a écrit un certain nombre de portraits, fait beaucoup d'interviews. Oui, vous aviez presque déjà la matière, finalement. Mais oui, en fait, on avait déjà la matière. Donc, au départ, l'idée, c'était plutôt de dire la matière, il faut juste réunir un peu toutes ces infos, faire le point, et puis on y va, on va écrire. Donc ça, c'est pour on va dire pour une bonne partie des chanteurs. Cela dit, en écrivant, des fois, tu te rends compte que tu penses bien connaître les gens, mais qu'il y a des choses qui t'ont échappé. Franchement, au final, on les a tous recontactés, ne serait-ce déjà que pour les avertir que le livre sortait, et puis on peut commettre des erreurs, mais avoir des imprécisions, et puis peut-être qu'il y a des choses voilà, qu'ils nous raconteront différemment, donc on trouvait plus honnête quand même qu'ils puissent jeter un œil sur les textes. Et du coup, oui, ça a été l'occasion quand même de compléter, parce qu'il y avait vraiment des chanteurs où on pensait des fois tout connaître, et finalement, il y avait encore des petites zones d'ombre, ou simplement des choses qui collaient pas, on comprenait pas trop ce qu'ils avaient fait, comment ils étaient passés de telle activité à telle activité. Donc ça a été déjà une partie du travail, et finalement quelque chose qui pouvait paraître assez simple, finalement bah c'est toujours pareil, quand on fait un livre, on veut quand même que soit bien fait, non pas qu'on fasse mal avant, mais on y accorde plus d'attention que publier un texte sur internet ou faire une news. Donc au final, pas si difficile que ça d'obtenir des informations, parce que tu avais déjà les sources. Finalement, votre travail, c'était un travail de validation auprès des acteurs. Alors ça, c'était une partie du travail, mais après, il y avait aussi dans l'idée de résoudre aussi certains mystères qui étaient restés encore jusqu'ici. Parce que donc, il y avait un certain nombre de chanteurs qu'on connaissait leur parcours et comment ils avaient enregistré ces génériques, mais il restait encore des interprètes qu'on n'avait encore pas retrouvés jusque-là. Et on est très contents parce que, alors, je dis pas que c'est tout le livre, c'est peut-être 4-5 interprètes seulement, mais on a quand même sorti quelques. Alors, il reste encore à nouveau, on n'a pas tout résolu, il en reste encore des mystères, mais voilà, il y en a quelques-uns qu'on a retrouvés, comme le chanteur de Rémi sans famille, par exemple. Sur le disque, il y avait juste marqué chanté par Cyril, et on n'avait aucune information, on ne savait pas. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Nous, c'est parce qu'on est dedans et qu'on s'y intéresse. On va l'évoquer, je pense, durant l'émission, mais il y a des gros noms. Mais il y a plein de... Enfin, nous, on les connaît. Ou c'est anonyme, des fois. Des fois, il n'y a carrément pas de nom. Et voilà, c'est ce que j'allais souligner. Et Rémi, on la connaît tous par cœur. Rémi, je m'appelle Rémi. Voilà. Mais mince, qui chante ? qui chante. Donc, retrouver le nom, ensuite la personne, le contacter, savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui. Si tu peux nous donner cette anecdote, du coup, alors. On avait une piste qui n'était pas si mauvaise, mais qui n'avait pas été exploitée. Et ça faisait longtemps que Rui avait eu l'information qu'il y avait un lien avec la comédie musicale Les Misérables de Robert Hossein, une comédie musicale qui a été faite dans les années 80. Et il y a cette fameuse chanson, je ne sais pas si certains la connaissent, qui s'appelle La faute à Voltaire, et qui est chantée un peu comme Rémi, avec un garçon qui chante un peu « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire ». Et c'est vrai que un peu la gouaille, un peu titi parisien de cette chanson. Il y avait quelque chose. Et rap, on sent, et c'est un peu le style quand même de la chanson de Rémi. Donc à une époque, on avait supposé que c'était le chanteur de cette chanson qui chantait Rémi, qui ne s'appelle pas Cyril, mais je ne sais plus comment, mais bon, son nom, lui, il est identifiable, puisque le disque des Misérables, il est sorti, etc. Mais c'était une piste qui était un peu foireuse, enfin qui n'était pas ouf. C'est sympa, entre parenthèses, ça fait un petit travail d'investigation, ça doit être génial. Ah oui, mais on en a fait plein des travaux comme ça. Et voilà. Et finalement, la réponse et le lien qu'il y avait au final sur cette histoire, c'est que le chanteur de Rémi, qui s'appelle Cyril Dupont, était en fait la doublure dans la comédie musicale de celui qui avait enregistré le disque de La faute à Voltaire. Waouh, il y avait quand même des connexions, vous aviez trouvé la piste. Effectivement, la piste était bonne, mais il fallait creuser un peu plus loin. Voilà, son père était musicien. Robert Hossein cherchait des enfants pour la comédie musicale. Comme c'était des enfants, il fallait qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le rôle parce qu'ils ne pouvaient pas jouer tous les soirs. Donc vous avez réussi à retrouver le chanteur de Rémi. Voilà, et je sais. Et c'est raconté ça dans le bouquin. Oui. Et du coup, on explique. Et du coup, il explique aussi que Rémi, il a été enregistré en même temps que le générique de Dallas. En fait, c'est le même producteur. Hein, c'est Jean Renard qui avait fait les génériques français de Dallas. Et voilà, il est arrivé en studio. Ils étaient en train de boucler Dallas. Le pauvre Cyril, lui, il était très intimidé de se retrouver en studio. Et puis surtout, le chanteur qui chante Dallas, c'est un musicien de Johnny Hallyday, donc un gars bien rodé, hyper pro et tout. Et puis finalement, il n'a pas fait beaucoup de prises pour ce générique de Rémi. Il y a des petites choses qui ont été improvisées, comme la fin de la chanson où il fait nanananananananan. Voilà, ça c'était un truc qui n'était pas prévu, mais dans l'élan du studio, ils ont fait ça. Puis ça passait bien. Il y a cette fameuse faute aussi dans les paroles, puisqu'ils disent. Ils disent Cathy au lieu de Capi dans l'énumération des personnages au début. Ils s'en sont rendus compte après coup. Mais c'était pressé, non ? Mais c'est. Puis surtout, on est à l'époque, hein, les studios, c'est analogique et tout. Ils s'en sont rendus compte quand le truc était fait, peut-être plusieurs jours après. Donc reprogrammer un enregistrement studio et tout, c'est compliqué à cette époque-là. Mais comme la maison de disques, ils s'en sont pas rendus compte, ils se sont dit, allez, on laisse comme ça, et voilà. Et puis, oui, ça a gêné absolument personne hein, à l'époque. Non, et puis maintenant ça fait sourire. D'ailleurs, on a consacré quelques pages aux perles, aux erreurs dans les paroles de chansons françaises, où on a listé aussi comme ça quelques génériques très très connus pourtant, comme Capitaine Flamme par exemple, qui pourtant disent n'importe quoi dans les paroles. C'était souvent le cas, hein, mais en fait, quand on était enfant, c'était surtout la musicalité de la voix qu'on entendait. Ok, je pense que tu vas nous distiller d'autres choses au fil de l'émission. Je pense qu'on a fait un joli tour, on va dire, des coulisses de la conception de l'ouvrage. On va attaquer dans le dur. Hein. Moi, je me suis pas embêté. Hein. Tu m'as envoyé le sommaire. Je fais, ça va faire l'ossature du conducteur. On va parler donc ce qu'on appellera les familles de génériques. On pourrait vous citer Saban, AB, La 5. Mais j'aimerais bien, Olivier, que tu nous parles rapidement de la société IDDH. Alors déjà, un petit mot pour expliquer. On a vraiment voulu structurer le livre parce qu'on ne voulait pas faire un livre où il y a juste des portraits de chanteurs ou juste des portraits de génériques. Ça aurait été un peu monotone. Ouais. Donc du coup, on a essayé de regrouper un peu les grands interprètes de génériques, des anecdotes, les coulisses, c'est-à-dire derrière les interprètes, qui a créé ces génériques. Et justement, en ouverture du livre, ce qu'on a appelé les familles, parce qu'on a estimé qu'il y a vraiment quatre grandes sociétés, maisons de disques, producteurs qui ont fait l'essentiel des génériques, même si on ne peut pas faire non plus de généralité, il y a d'autres cas particuliers. Et voilà, et tu les as cités, c'est effectivement AB pour la période Club Dorothée, Saban pour les génériques de Goldorak, d'Ulysse, Les Cités d'Or, toutes les productions de Dick, IDDH dont on va parler, et puis la 5 avec le côté Berlusconi qui avait amené ces productions. IDDH, c'est vrai que moi c'est une période qui me touche parce que c'est aussi avec celle-là que j'ai vraiment commencé et que j'ai grandi. IDDH, c'est tout simplement la société qui arrive, bon, le patron d'IDDH et fondateur, Bruno René Huchez, avait travaillé avec Jacques Anestrier, ils avaient amené à eux deux la série Goldorak en 1978, et puis ensuite Bruno Huchez, il monte sa propre société, et c'est lui qui va fournir tout vraiment le début des années 80 jusqu'en 87, l'essentiel des séries japonaises qui arrivent en France, Lady Oscar, Cobra, Sankukai, Xor, Capitaine Flamme, Tom Capitaine Sawyer, Flamme, voilà. Enfin, que du lourd. Et voilà. J'avais noté également les Trois Mousquetaires, Le Tour du Monde en 80 jours, Albator, Booba, Cat Size et Clémentine. C'est vraiment c'est des trucs, mais c'est une génération aussi. C'est quand même avant le Club Dorothée. Donc, c'est pour les plus âgés, on c'est va dire. C'est plus ma tranche d'âge, pour voilà, moi aussi. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau, en fait, sur une petite anecdote ou quelque chose que tu aurais envie d'évoquer avec nous? Et ben lui, en fait, Bruno Huchez, il accordait vraiment de l'importance au générique et il voulait vraiment. C'était quelqu'un qui était. Il est décédé hein, aujourd'hui. C'est un personnage charismatique, a été très controversé. Il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent. Mais en tout cas, c'était quelqu'un d'un peu flamboyant qui voulait le meilleur et qui n'hésitait pas à dépenser pour faire les choses en grand. Et ses génériques, dès le départ, il voulait s'entourer de stars de l'époque pour faire des génériques. Donc voilà, il est allé trouver Jean-Jacques Debout qui était. À une époque où il chantait déjà moins, mais en tout cas qui a toujours été un grand compositeur. Éric Chardin aussi, qui était dans plein de son succès. Et il a demandé à ces gens-là de composer des génériques, ou en tout cas de leur ramener aussi des personnalités, parce qu'il y a aussi les gens méconnus, comme Jean-Daniel Mercier, qui est un arrangeur, qui était l'arrangeur de Jean-Jacques Debout, de Chantal Goya, de toutes les chansons de Chantal Goya, et c'est lui qui va orchestrer tous ces génériques. Donc il a créé comme ça une chaîne où il y avait des stars de connus comme Jean-Jacques Debout et Éric Chardin qui composaient. C'était orchestré par Jean-Daniel Mercier. Ensuite, effectivement, les interprètes étaient souvent des choristes ou des gens pas forcément très connus du grand public, comme Michel Barouille, la propre fille de Jean-Daniel Mercier, cette fameuse petite Marie qui avait chanté Tchao et Grodo, L'Oiseau Bleu, des Méthanes, les chansons Ouh comme là ça. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas ça, Olivier. Ah, moi, et ça voilà, me parle, et hein. Du coup, il y a tout un système qui se met en place, mais ce que j'aime bien dans cette époque-là, c'est que malgré tout, les auteurs et les compositeurs des génériques sont assez variés. Ça tourne. C'est pas Jean-Jacques Debout qui va faire 50 génériques. Il va en faire quelques-uns. Ensuite, au milieu des années 80, ils vont chercher encore des nouveaux auteurs, notamment Cyril de Turckheim ou Alexandre Révérend, qui était, il s'appelait Bernard Rissol sur les disques, qui vont faire les génériques de Cat Size, adapter le générique de Denver. Ils vont aller chercher aussi Revault et Bourterre, les compositeurs de Michel Sardou, c'est eux qui vont faire le générique de Cobra. Voilà, donc ce Bruno Huchez, pour ses génériques, il a, même si les enregistrements pouvaient quand même être parfois un petit peu cheap, il n'y avait pas forcément les moyens qu'avaient les grandes stars de l'époque d'enregistrer en studio, c'était quand même fait un peu plus rapidement, mais malgré tout il y avait vraiment un panel de créateurs et je pense que c'est pour ça que ces génériques encore aujourd'hui ce sont des chansons qu'on retient et qui sont restées aussi longtemps au-delà du fait que ces génériques avaient une énorme exposition du fait qu'il y avait plus de chaînes à la télévision. Bah là, on est en quelle année à peu près, Olivier, là, début 80, non, c'est, fin ouais, des c'est années vraiment, 70. C'est, ça commence en 80, IDDH. Et alors, moi, ça a été un choix très difficile parce que j'aimerais bien qu'on se passe quelques extraits. Et je te propose qu'on s'écoute le générique de Sankukai et que tu m'évoques éventuellement ce que tu as à nous raconter dessus après. We'll be right back. Sankukai, qu'est-ce que j'ai adoré ce Star Wars japonais, hein, comme bah, on disait à l'époque. Il y a une anecdote dessus. Eh bah, bien écoute, voilà. Est-ce que tu peux rapidement, parce qu'évidemment on va pas parcourir tout ton bouquin, nous raconter éventuellement des petites anecdotes autour de la saga de Sankukai? Sankukai, donc c'est un générique qui est commandé à Eric Chardin, qui travaille à l'époque avec Didier Barbolivien, qui n'est pas encore connu, qui est connu comme compositeur, auteur aussi, mais qui n'est pas encore connu comme chanteur. A priori, il y avait une soirée qui était, on va dire, bien arrosée. Ils ont fini en studio et pour délirer, ils ont commencé à chanter avec des voix de tête. Voilà, Sankukai! En chantant super haut comme ça pour faire un délire. Et ça fonctionne. Et voilà. Et puis, ça devait être juste une connerie comme ça. Et puis, finalement, ça a beaucoup plu au producteur qui a dit, mais c'est super, on garde. Et c'est resté comme ça. C'est pour ça qu'il y a ces voix un peu particulières qui chantent très aiguës. Et les espèces de castagnettes qu'on entend là. Voilà. T'as un truc dessus ou pas? Non, j'ai pas sur les castagnettes. Non. Parce que t'es d'accord qu'il y en a, non? Ah, il y a des castagnettes, oui, bien sûr. Oui. Donc, et à titre perso, c'est un générique que tu valides ou pas? Ah oui, oui, c'est ok, oui. Donc toujours dans la galaxie IDDH, on a eu le droit à... Alors, peut-être, je ne sais pas comment... On ne se connaît pas encore bien, Olivier, mais peut-être un de mes mangas préférés, Cobra. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, voit leur sang qui se glace, se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Alors Cobra, Cobra, oui, c'est bah déjà comme je le disais, Bourter, Revault, c'est des gens qui travaillent pour Michel Sardou. L'un des deux, c'est quand même le compositeur de My Way, comme d'habitude. Donc c'est pareil, c'est quand même des gens qui sont sont pas sortis de nulle part. Et le générique de Cobra aussi, finalement, il a cette mélodie et elle est. C'est pas si étonnant s'il fait partie. Moi, je le considère dans le top des meilleurs génériques français qui a été créé. Ah, pour toi, c'est un de tes préférés. Je mets dans le top 10, oui. Ouais. D'accord. Ah, moi, je valide également. En plus, bon, tu l'as vu parce que je l'ai écrit sur le conducteur, mais j'ai découvert qu'il y a quelques années qu'il y avait une petite parodie qui s'appelait Gros Bras avec Homo Machine, Mirka Joline. Et en plus, j'ai appris que c'était toi qui avais fait ça. Alors ça, j'aimerais vraiment que tu nous en parles. C'est un petit peu hors sujet, bien que. Mais je suis désolé, Olivier, mais j'ignorais jusqu'à il y a très peu de temps que c'était une idée qui venait de chez toi. Alors, comment je suis arrivé sur ce projet? Avant ça, il y a eu... voir le site, il est fermé, j'étais déçu. Il y a eu les Beatomans et puis France 5, c'est là où j'ai commencé à faire des petits génériques maison ou à m'inspirer aussi. Forcément, en grandissant avec les génériques, on a aussi envie de se mettre à chanter. Donc j'avais fait ces deux expériences-là. Et une des personnes qui travaillait sur les effets spéciaux de France 5, qui s'appelle Pierre Maugard, avait ce projet de faire un épisode, une mini-série de Cobra en parodie. Couillu à la base, hein. Oui, bon, au final, comme c'est un dessin animé, que c'est très dur de faire un dessin animé tout seul, ou même s'il a été aidé, en tout cas avec une petite équipe, ça en est resté qu'au générique. C'était entre guillemets suffisant parce que moi j'avais eu un énorme coup de cœur parce que certes on est dans la parodie, mais ce que j'aime, comme j'aime le dire, dans la parodie respectueuse du matériel original. Un peu comme tu faisais avec les France Files. C'est une parodie des Sentai, mais c'est pas, tu sais... oui, c'est pas les inconnus. Voilà. Bien que j'aimais aussi, attention, hein, moi j'étais ultra fan. Mais on est vraiment... on n'est pas dans la moquerie, on est dans la parodie. Et j'insiste sur le terme, et franchement, chers auditeurs, je vous mettrai le lien, mais gros bras quand t'es fan de Cobra. En plus, c'est vraiment... Enfin, le dessin animé était plutôt réussi, c'est toi au chant en plus, je crois, non ? Donc voilà, bah, moi j'ai chanté Gros Bras, mais pas Cobra évidemment. Alors pour l'anecdote, Cobra, pour revenir quand même sur le sujet des génériques, je lui disais tout à l'heure, Bruno Huchez, il voulait des stars, il était très showbiz, et ils avaient essayé d'avoir Michel Sardou en fait, carrément. C'est sur pour ça d'ailleurs que la composition, c'est des gens qui travaillaient pour Michel Sardou, et ils voulaient vraiment avoir Michel Sardou sur le générique de Cobra. Écoute, je crois que ça fonctionnerait. Mais oui, parce qu'au final, bon, ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons, mais au final, Olivier Constantin, l'interprète, en fait, c'est à l'époque un choriste de Michel Sardou. Donc voilà, c'est comme ça qu'il arrive, lui, sur cette chanson. Et son timbre de voix, il est aussi un timbre de voix, forcément, qui colle aussi avec la voix de Michel Sardou. Ah. J'irais pas dire qu'il a fait une imitation de Michel Sardou, c'est pas vrai, il chante vraiment comme il chante lui, mais la filiation, elle est quand même là. C'était quelqu'un qui travaillait avec Michel Sardou. Très bien, ok. Donc, il y aura encore vraiment beaucoup de choses à raconter. Hein. On aurait pu parler de Tom Sawyer, des trucs comme ça. Mais là, je pense qu'on va chanter pendant 2h30 ensemble, Olivier. Je t'invite en fait à parcourir la troisième partie, à savoir les interprètes de générique. Alors, il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter parce qu'on pourrait parler de Claude Lombard, Noam, Lionel Leroy, mais on a déjà fait un podcast au sein de Décennies. Donc, encore une fois, on vous invite à aller écouter ces merveilleux artistes. Franchement, moi, personnellement, Claude Lombard, Noam et Lionel Leroy, c'est très, très haut dans mon cœur. Et j'aimerais que tu nous fasses un petit focus sur Michel Barouille, parce que c'est un chanteur que j'écoutais quand j'étais tout petit, parce que dans mes souvenirs, on est plus fin des années 70, début, on va dire, jusqu'à milieu des années 80. Et c'est un chanteur qu'on a redécouvert via les festivals que notamment Rui organise. Moi, j'ai eu la larme à l'œil quand il chantait notamment le Tour du Monde en 80 jours. Est-ce que tu peux me parler de ce merveilleux artiste ? Que Michel, ça fait longtemps qu'il travaille et il a toujours autant la pêche. Et moi, ce que je trouve fantastique, incroyable, c'est qu'il nous les chante exactement comme il y a 30 ans. Il a la même voix, il a la même pêche. Mm. Je trouve toujours ça incroyable. Michel Barouille, lui, il a commencé comme trompettiste. C'est quelqu'un qui vient du Sud-Ouest. Et au départ, il était musicien. Il a accompagné, là aussi, comme beaucoup d'autres, des artistes en tournée. Annie Cordy, hein, si vous voyez des concerts d'Annie Cordy, vous voyez souvent Michel Barouille à ses portées. Chez Jacques Martin, là, chez Bob il Kibel, était, oui, Bob Kibel aussi. C'est Bob Kibel qui l'a aussi mis un peu le pied à l'étrier aussi. Mm. Et c'est avec Bob Kibel justement qui va enregistrer ses premiers génériques, Sport Billy, Vic le Viking. Oh là là. À l'époque, Bob Kibel, il est orchestrateur et il fait les génériques pour Lucien Hadès, pour la maison de disques Hadès. Et les premiers génériques de la fin des années 70, justement, c'est ce musicien qui dirige les enregistrements. Et forcément, il connaissait Michel qui chantait aussi déjà à cette époque-là, qui avait enregistré quelques petits disques. Mm. Et c'est comme ça qu'il se retrouve toujours dans les mêmes conditions, faire une prestation, une voix pour un générique de dessin animé. Je te propose qu'on s'écoute peut-être la chanson « Petite dédicace à mon poteau Daf Pakoun » qui m'a aidé à préparer ce podcast, « Le tour du monde en 80 jours ». Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Tu le perdras grâce à moi, ne l'oublie pas, fixe te rattrape. et moi transfert. Je t'ai payé très cher pour faire de ta vie un enfer. Je suis filé à Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, pas plus pour réussir, le tout complet de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais on fera tout pour être les premiers. 80 jours à courir, pas plus pour réussir, le tout complet de la planète. Planète, quel pari de fou. Quand il la chante en live, moi j'ai le frisson. Mais là, je te parle, on vient d'écouter le morceau. Ah, les poils qui s'hérissent quand même. Hein. C'était un dessin animé que j'affectionnais énormément. Et cette chanson, elle est cute. Alors, je fais une petite parenthèse. Moi, quand j'étais plus jeune, je le confondais avec son timbre de voix avec Gérard Rinaldi de Feu les Charlots. Après, c'est peut-être une question de génération, de façon de chanter. Ils sont tous les deux, je pense, un petit peu de la même époque. Il y a peut-être un petit peu une ressemblance vocale. Mais en tout cas, je les confondais, moi, quand j'étais gosse. Et puis, le côté un peu cabaret, un petit peu. Oui, qui oui. Fait que, bon, bah, on pouvait peut-être s'y méprendre. Alors, pour revenir un peu autour du monde, bon, on ne va pas faire un focus sur le dessin animé. Mais en revanche, le générique, est-ce que tu as des choses intéressantes à nous dire dessus? C'est un générique qui a été composé par des compositeurs italiens qui travaillaient pour une société espagnole qui s'appelle BRB International et qui était coproductrice de ces dessins animés. Ils avaient fait Les Trois Mousquetaires avant, il y a eu Le Tour du Monde en 80 jours. Et ils ont aussi refait les musiques de Booba aussi, qui avaient été changées par rapport aux musiques japonaises. Et Le Tour du Monde en 80 jours, il y a plein de monde qui chante là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas que Michel Barouille. On retrouve aussi Liliane Davis, grande choriste aussi. Puisque c'est elle bon, qui chante le générique de Edgar Détective Cambrioleur, mais qui chante aussi, enfin qui a fait beaucoup de voix de publicité pour les Barbie, Pousse-mousse, à pousser sa mousse. voilà. Ce flashback au milieu, c'était dur avec nous là. Hein. Et aussi choriste aussi de beaucoup d'artistes, Richard Gottener et bien d'autres. Donc c'est elle la voix féminine qu'on entend dans Le Tour du Monde en 80 jours aux côtés de Michel Barouille. Mais il y avait tellement de trucs, moi j'avais noté, bah, tu l'as dit, Sport Billy. Ekel et Jekyll, c'est marrant, moi ça m'a ultra marqué, personne s'en souvient. La bataille des planètes, bon là on est en 1979, c'est les Gatchaman en japonais, au risque de dire une ânerie. Judo Boy, Le Tour du Monde en 80 jours, Goldorak et les deux Mazinger, qui est une des chansons pas trop connues de l'univers Goldorak que j'adore, mais vraiment c'est une de mes préférées. Et bien évidemment, le premier générique de Bioman qui passait sur Canal+. Et oui, qui est repris de la version japonaise. Petite dédicace à France 5 au passage. Hein. Alors, petit affect, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce premier et pour moi le plus culte des génériques de Bioman? Et éventuellement, si tu as des choses à raconter sur le premier générique? C'est une des séries, une des dernières séries distribuées en France par IDDH, cette fameuse société qui avait amené tous ces dessins animés dans Recréa 2, pour Canal+. Alors, pour une raison que j'ignore, et effectivement, ils ont gardé, alors que d'habitude ils faisaient des compositions franco-françaises, ils ont gardé la mélodie japonaise qu'ils ont réorchestrée pour la chanter en français. Le générique de début et le générique de fin, d'ailleurs, parce qu'il existe aussi un générique de fin, même s'il n'était pas sorti à l'époque en 45 tours. Ah bon? Il était pas sur la face B, non, c'était l'instrument. Et non, c'était l'instrumental qu'il y avait sur la face B. Et on l'avait mis sur une compilation logarithme, mais c'était une version télé qu'on avait rallongée au final, puisque je n'ai jamais su s'ils avaient vraiment enregistré une version longue de ce générique. Et donc, voilà, c'est Michel Barou qui chante quand la série passe sur Canal+. Et ensuite, c'est le Club Dorothée est lancé la même année, et ils sont très intéressés pour récupérer la série. Et finalement, IDH va la revendre à AB pour que la série aille dans le Club Dorothée. Et une fois arrivé dans le Club Dorothée, ben, Jean-Luc Azoulay décide de refaire un générique maison, comme tous ceux qui passent dans le Club Dorothée. Et là, ça sera le premier grand succès de Bernard Minet, avec la chanson aussi que nous connaissons tous. Et toi alors, Olivier, ton petit affect, Bioman version 1 ou version Minet? Moi, j'ai quand même une préférence pour la version originale, enfin qui se rapproche de l'original, forcément. Mmh. Moi, j'aime bien les deux. J'avoue que c'est, enfin, je préfère sincèrement celle de Barouille, mais elle compte quand même celle de Minet. Celle de Minet, je la trouve un peu répétitive. Et autant il y a d'autres chansons de Minet que j'aime bien, mais c'est pas Bioman. Dis-moi Bioman. C'était oui. Celle-là, elle est gênante. Ok, alors là, donc Michel Barouille, je pense que nos éditeurs, en tout cas, s'en souvenaient. Là, je vais vous parler de Jean-Claude Corbel. Et Jean-Claude Corbel, c'est ça. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche voix de canard, le plus chiche, le plus roublard. En suivant Fifi, Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. On ne veut plus claquer du bec chez nous. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Peut-être ce que j'aime bien appeler le plus gros ver d'oreille des dessins animés. Le ver d'oreille, tu sais, c'est la chanson que tu chantes en open space à 10h du matin à la cafette. Et normalement, elle fait le tour de l'open space et elle revient chez toi le soir. Et Jean-Claude Corbel, on l'a entendu, c'est la bande à Picsou. C'est Cosmo Cat. C'est Olive et Tom. Et oui. C'est Tristan dans les Beehive. C'est toutes les versions chantées, en fait, les chansons des Beehive dans Embrasse-moi Lucille. C'est Viens, je t'emmène, on va faire un tour sur l'autoroute. Enfin, c'est culte. Et c'est la chanson Double Dragon. Voilà, parce que Double Dragon, double dragon. C'est pas la plus connue, celle-là. Eh bah oui, moi je connaissais. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous faire un petit portrait de ce monsieur ? Qui est un grand chanteur de notre époque, je trouve. Alors Jean-Claude Corbel, lui, il commence en faisant des reprises de répertoires de Georges Brassens, des choses comme ça. Et puis surtout, il fait partie d'une formation qui s'appelle les Swingle Singers. C'était une formation qui chantait a cappella des chansons de jazz. En fait, ça s'inspirait d'Américains qui faisaient, de Noirs américains qui faisaient ça. Et c'est vraiment une école. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui sortent de ce groupe, qui vont devenir des grands choristes ou des grands musiciens en France. Et c'est quelque chose qui est très dur à faire. Il faut vraiment avoir un sens du rythme. Et voilà, ça, Jean-Claude Corbel. C'est extrêmement difficile, hein, parce que tu n'en as pas beaucoup. Hein, quand... Oui, et puis il faut savoir mélanger les voix, c'est-à-dire chanter à plusieurs harmonies avec d'autres personnes en même temps. Entre guillemets. Ouais, c'est un exercice qui est très, très difficile. Et voilà, lui, il est sorti un petit peu de cette école, entre guillemets. Et voilà, il a été repéré par Christiane Legrand, qui était la sœur de Michel Legrand, et qui s'occupait de casting vocaux pour des chansons, qui travaillait beaucoup avec son frère. Et Jean-Claude Corbel, il va commencer en ayant un rôle dans une comédie musicale des Parapluies de Cherbourg. et de fil en aiguille, comme ça, il va devenir vraiment quelqu'un qui va écumer les studios, les scènes, justement, pour faire des prestations vocales. Voilà, et c'est un peu dans ce cadre-là qu'il va retrouver Claude Lombard au milieu des années 80, et tout un tas d'autres gens. Il y a aussi Jean Stout. Ce sont des choristes qui sont sollicités au moment où Disney arrive avec des programmes pour la télévision, bah, la bande à Picsou, mais il y a tout un tas de choses à chanter. Puis c'est l'époque où Disney commence à redoubler aussi des films, il faut refaire aussi des vieux doublages et des choses comme ça. Oui, des crédités sur plusieurs doublages, je crois. Oui, bah, le plus connu, c'est aussi La Belle et la Bête. Il va avoir le rôle du fou qui va faire aussi bien chanter que parler. Voilà, et puis c'est toujours aussi dans ce cadre-là, finalement, qu'il enregistre ses génériques pour la 5, Olive et Tom, les chansons des Beehive. C'est quelqu'un qui était qui a pas eu finalement une vraie carrière solo, alors vraie qu'il aurait pu. Reconnaissance surtout, hein. Non. Et c'est voilà, oui, parce que ce sont des métiers de l'ombre en fait, où t'es pas toujours crédité, même quand tu enregistres un disque ou que tu fais des choses. Il a fait des publicités aussi, voilà, mais il a eu un parcours incroyable. Malheureusement, il est mort à 43 ans, une crise d'asthme aiguë, voilà, qui l'a emporté. C'est très triste. Je suis content de l'avoir rencontré. Je l'ai connu du temps de Super Loustic. Il fait partie des premières personnes que j'avais interviewées à l'époque à la radio. Et j'ai eu la chance de le voir chanter. Il était venu à l'époque où Super Loustic était encore à Lyon. Il avait chanté Olive et Tom et en tour sur l'autoroute. Et... Ah, si tu veux entendre du Olive et Tom, je sais que Bernard Minet fait des covers dans les conventions. Hmm. Et honnêtement, ça passe. Ah bah, Minet, il a la voix aussi. Oui, voilà. Ouais. Bah, si on s'écoutait d'ailleurs le générique d'Olive et Tom, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben oui, et en hommage à Jean-Claude Corbel. Je me suis trompé. Mais tu t'es pas trompé. Mais Lupin, c'est Lupin, c'est Edgar. Mais de quoi parle-t-on, Olivier? Et oui, parce que ces génériques, lorsqu'ils arrivaient sur la 5, à l'époque, la 5 était gérée par Silvio Berlusconi, qui en fait ne faisait que nous renvoyer chez nous des séries qu'il avait achetées et déjà diffusées en Italie. Et c'est la même chose pour les génériques de dessins animés. Tous les génériques qu'on a eus sur la 5, que ce soit Embrasse-moi Lucille, Jeanne et Serge, Olive et Tom, en fait, ce sont des compositions qui étaient déjà faites pour des génériques italiens. D'ailleurs, ils existent tous en italien. Mais la petite subtilité et la petite anecdote, c'est que de temps en temps, il y avait des mélanges. Et c'est ainsi que le générique... Que ça fonctionne aussi bien pour Lupin en version italienne, voilà. Donc Edgar de la Cambriole chez nous, que la cultissime chanson d'Olive et Tom. Voilà, alors que c'est la même chanson, mais qui sert de générique à des séries différentes suivant les pays. Et il a fait la même chose aussi en Espagne et en Allemagne. Ah bon ? Ah oui, mais oui. Tu m'apprends un truc là. Moi je trouve que Corbel, c'est quelqu'un, enfin un chanteur, en tout cas ses chansons de générique sont cultes, parce que je l'ai dit, on a eu la bande à Picsou qui est quand même le plus gros ver d'oreille du monde. Olive et Tom, ça va, je pense, au niveau chansons qui te restent en tête, on est pas mal. Et une qui me fout la pêche, qui est peut-être dans mon top 10 des chansons de dessin animé préférées, là c'est bien Cosmo Cat. Ah oui. Cosmo Cat. Cosmo! Cosmo Cat! No! Cosmocat, c'est extraterrestre. Cosmocat, c'est vous qui avez tous les pouvoirs. Cosmocat, ça vous. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmocat. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmocat. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmocat. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmocat. D'âmes-lumière vont vous entraîner sur des planètes étrangères, vous y survivrez. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cats. Cosmo, Cats. Qui est une reprise, je crois, de la version originale, non, au risque de dire une ânerie. Thundercats, alors, non? Oui, c'est la version américaine, mais alors il y a aussi des petites subtilités, et c'était d'ailleurs la même chose sur la bataille des planètes, c'est qu'en France, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais des fois il y avait des génériques qui étaient instrumentaux ou très peu chantés aux États-Unis et ils rajoutaient des paroles oui. qui n'existaient pas sur la version originale. Et c'est le cas de Cosmocats où il y a juste le refrain normalement qui est chanté, mais ils ont rajouté un couplet, alors que normalement c'est juste de la musique. Et pareil, Michel Barouille avec la bataille des planètes, normalement c'est entièrement instrumental. Ah ouais, et il y a en fait en France, ils ont fait une version chantée parce qu'on devait avoir cette culture du générique chanté en fait qui est née à la fin des années 70. Donc ils rajoutaient des paroles sur quelque chose qui n'en avait pas au départ. D'accord. Quelle OST entre parenthèses d'une manière générale hein, celle des Cosmocats hein. Oui. Avec qui n'est malheureusement jamais sorti officiellement. Ah, d'accord. Même chez Loga, non ? T'as pas eu ça, non ? Ah non, à l'époque, on n'avait pas réussi. On n'avait pas les contacts. On avait des contacts au Japon, des contacts en France, mais on n'avait pas trop de contacts aux États-Unis pour sortir ce genre de choses. D'accord, ça n'a jamais été édité, l'OST officiel ? Non, on le trouve, mais c'est un bootleg qui est sorti d'on ne sait trop où. D'accord, bon, ok, donc vous ferez 36-15 Olivier Fallet pour si vous voulez avoir un rythme bizarre. Enfin bon, bref. Ok, donc évidemment, on aurait pu évoquer plein d'autres interprètes. Hein, mais... Voilà, parce que dans cette partie-là du livre, on va dire qu'on a sélectionné les chanteurs qui avaient fait le plus de génériques de dessins animés pour vraiment s'attarder sur cette liste de génériques et sur leur parcours détaillé, puisque on considère que ce sont des grands interprètes de génériques de dessins animés, même si au départ, ce ne sont pas ce qu'ils sont en dehors de Bernard Mina, bien ouais, sûr. C'est peut-être ceux qui ont peut-être le plus marqué, entre guillemets. Oui, okay. Par leur nombre de génériques, voilà, qui en deviennent des personnalités au final, en tant qu'interprètes de génériques. Alors là, on passe donc à notre nouvelle partie. Je t'avoue que la frontière, elle est un peu mince parce que finalement, c'est ce qu'on distille depuis le début de l'émission, c'est un générique, une histoire. Et on va commencer par, j'ai l'impression que je me répète, mais un de mes génériques préférés, Jace et les conquérants de la lumière. Va, Jace, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jace, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jace, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Victoria. un générique, une histoire, c'était une manière aussi différente, encore une fois pour rythmer un peu le livre, d'aborder l'histoire des génériques. On part cette fois-ci sur des chanteurs qui ont chanté des fois juste une ou deux choses, ou des choses plus anecdotiques. Et donc, du coup, on inverse la démarche. C'est-à-dire, on part d'un générique qui est connu, qui les identifie bien, et ensuite, on cherche à savoir qui y a derrière, à l'inverse des portraits de chanteurs, où on part sur un interprète. J'avais noté que c'était crédité, que Nick Carr était crédité. Oui. Et au risque de dire une ânerie, je ne te cache pas que je n'ai pas préparé, mais il me semble que c'est Chalopin qui fait l'intro. Ah, est-ce que tu peux confirmer ? Alors, je suis toujours un peu partagé sur cette info. Ah, elle existe. On me l'a dit plusieurs fois. Moi, j'ai toujours un peu du mal parce que pour avoir... je ne connais pas spécialement Joshua Chalopin, mais je l'ai rencontré 2-3 fois et je ne le vois pas parler comme ça, avec cette voix. Il existe une version de Jace qui n'est pas la bonne version, qui avait atterri sur une compilation des années 90 qui s'appelle Le Club des Enfants, où il y a plein de génériques sabans, mais les génériques sabans récents, enfin récents de l'époque, où il y avait les Sylvanians, Pinocchio, Maxi, des choses comme ça. Et à la fin, ils avaient balancé un Jace. C'est d'ailleurs la seule fois où c'est sorti en CD. Par contre, l'intro, elle est différente. Il y a un homme qui parle et c'est pas dit avec. C'est beaucoup plus vif et tout. C'est un peu bizarre. Et du coup, je finis par me demander si Jean Chalopin, il a peut-être fait effectivement un enregistrement, mais est-ce que c'est bien celui qu'on a gardé à la fin ? Est-ce que c'est vraiment celui qui a celui ? Moi, j'ai toujours ce doute, bien que on n'arrête pas de me dire que si c'est bien lui, qu'il l'aurait confirmé. Encore une fois, je me méfie aussi de ce que les gens confirment parce que. Des fois, les souvenirs sont vagues, et je dis pas qu'il a jamais enregistré le truc, mais est-ce que celle qu'il a enregistrée au final, est-il bien sûr que c'est celle qui a été utilisée ? Voilà, c'est plus dans ce genre de subtilité que je suis un peu nuancé. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, sur ce générique ? Parce que tu l'as vraiment mis dans un générique, une histoire. Est-ce que ce générique, au-delà du fait qu'il est ultra culte, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve finalement dans un générique, une histoire ? C'est parce qu'il permet aussi de raconter un peu comment cet interprète qui s'appelle Nick Carr, il en est venu à chanter ce générique. Parce que Nick Carr, au départ, il travaille dans le studio, c'est un Américain qui parle pas français. Il parle un peu français parce que sa mère est française et il adore chanter depuis qu'il est tout petit et il faisait partie d'une chorale. Et une chorale, notamment, où il chantait des chansons en français aux États-Unis. Mais bon, c'est quand même un Américain pure souche. Et lui, il voulait travailler dans la musique. Il est devenu au départ l'homme à tout faire de chez sa banque, c'est-à-dire le gars qui allait aussi bien appeler un taxi que faire les cafés, que trucs, etc. Ah zut. Petit à petit, il a gravi les échelons, il a commencé à apprendre la technique et finalement, il est devenu ingénieur du son. Voilà. Et la manière de travailler de Saban, elle était un peu particulière. Il avait monté son propre studio à Los Angeles où il recevait des commandes. Alors au départ, pour le marché français, puis petit à petit pour un peu le monde entier. Et puis il s'était entouré d'une équipe, le compositeur Shuki Levy, Noam aussi, qui après sa carrière d'enfant chanteur était parti suivre Saban pour justement apprendre à faire de la musique, et tout un tas de gens comme ça, Lionel Leroy qui venait faire des voix. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que Lionel Leroy, à un moment, il en a eu marre et il est parti, il est rentré en France parce qu'il voulait plus faire de génériques de dessins animés. Et ils avaient besoin de voix pour des génériques français. Donc il y avait Noam qui chantait un peu en français, mais chez Saban, il voulait que ça change un peu de temps en temps, que ce soit pas toujours la même voix qui fasse tous les génériques. Il est crédité, je crois, Noam aussi sur. Oui, bien sûr, il a fait les entrechats, il a fait trucs. Alors Noam, on l'entend dans Jace, il fait les chœurs. Oui, voilà, c'est ça que j'allais te dire. Et ouais. Nick Carr, ben voilà, un jour, il se retrouve derrière le micro, fait un. J'ai jamais chanté, moi je fais les cafés, hein. C'est presque ça un petit peu, non ? Au moment où il chante, il a déjà mis un pied dans le studio, il fait déjà un peu la musique, la technique, il est déjà... ça veut pas dire que t'es chanteur. Oui, bien sûr, ça veut pas dire que t'es chanteur. Voilà, après c'est un studio où il y avait une bonne ambiance, où surtout il fallait aller vite et pour dépanner, si quelqu'un avait un peu de talent et à la suite d'une opportunité, parce qu'on essaye de faire quelque chose, il faut livrer quelque chose, voilà, il se retrouve à chanter. Et donc il va chanter Jace, il va aussi chanter Mask avec Noam, il va chanter Arok le Barbare, il va chanter Cops aussi, enfin voilà, il va en faire après à peu près 4-5, mais évidemment Jace c'est son plus grand succès. Et l'anecdote, c'est que je sais plus s'il est crédité ou pas sur le disque, mais ça lui importait assez peu à l'époque. Et puis oui, lui il enregistre ça, Après, ça passe en France, ça passe aux États-Unis. Voilà. En plus, aux États-Unis, c'est pas lui qui fait la voix. Donc, du coup, ça passe qu'en France. C'est ce que j'allais te demander. Il fait pas la voix, le générique anglais. Ben non, c'est ça le plus rigolo, c'est que il est américain, mais il a fait que la voix française. Et c'est Bernard Minet qui a fait le générique américain. Non, c'est un américain dont je ne connais pas le nom. Voilà. Mais toujours est-il qu'un jour, le début des années 90, il revient en France où il a encore un peu de la famille et il entend à la radio le générique de Jace. Alors, on en déduit que ça devait être probablement sur Super Loustic en fait, parce qu'une radio qui passait Jace et le Conquérant de Lumière à la fin des années 80, début des années 90, je pense, ça, à part Super Loustic, je vois pas trop où Jace pouvait passer. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise en fait que la chanson a quand même eu du succès et qu'il y a eu un impact. Voilà. Au niveau vente, tu as une idée de si c'est un single qui s'est bien vendu? Oui, parce qu'il a été au top 50. D'ailleurs, ils ont dû réaliser un clip dans l'urgence. Alors, je me souviens, à l'époque, c'était un clip avec que des images. Il n'y avait pas le chanteur, ce qui m'avait déçu à l'époque. Je me disais, on allait enfin voir qui chantait Jace, et c'était juste un montage avec des images, mais bon, ça n'a pas grimpé haut dans le top 50, mais ça a dû grimper jusqu'à la, peut-être, je sais pas, 40e place, un petit peu plus haut peut-être, mais et c'est resté quelques semaines, donc c'est déjà, quand tu rentres dans le top 50, c'est que tu as quand même fait pas mal de ventes. Ouais, c'est qu'il y a quelques singles qui ont été placés. Alors après, c'est encore une fois, ce n'est que des choix personnels, parce que tu m'as dit, tiens, fais-toi plaisir, Mikado, prends ce que tu veux. Je fais, ok, alors je prends ça. Et moi, un genre que j'adorais quand j'étais enfant, c'était les Magical Girls. Et une chanson parmi tellement d'autres que j'adorais, on va s'écouter un extrait, c'était Gigi. Quand tu viens, t'as pas la chanson facile, Olivier, non? Quand on met une pièce, tu chantes pas, non? Ou oui, j'étais en train de réfléchir. Attends, celui-là, c'est le premier ou c'est le deuxième? C'est le deuxième, parce qu'il y a eu deux génériques de Gigi. Bon, et oui, le premier générique qui était beaucoup plus doux, plus gentillet, c'était « Une petite fille s'envole dans le ciel, Gigi, oh Gigi ». Ah si, oui. Oui, maintenant que tu le dis, mais c'est le second, moi, que j'avais retenu. Alors, le premier, parlons-en d'abord, parce évidemment, que le premier, c'est un générique caché produit par Saban. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, Saban, il est tellement devenu le roi du générique de partout à travers le monde, notamment aux États-Unis et en France, qu'il a des commandes de toutes parts, mais il a aussi des contrats. Et des fois, s'il fait des génériques, ils doivent être faits que pour un tel et pas pour un tel. Eh ben, pour pas perdre quand même un marché, il a quand même fait des génériques en douce en signant sous des pseudos et des trucs. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'imaginais pas que c'était un générique fait par Saban. Et maintenant qu'on a découvert ça avec Rui en enquêtant, parce que c'est Rui qui a expliqué. Ah, c'est une info qui est tombée il n'y a pas très longtemps, là. Oui, Rui, il a découvert que les génériques étaient Koussa Manix. Et Koussa, c'est un des pseudos de Chucky Levy. Koussa Machi, il l'utilise beaucoup sur les Power Rangers par la suite. Et Manix aussi, c'est un pseudo quand même Saban a utilisé dans d'autres circonstances. Et surtout, Rui a vu que ce générique qui était aussi en Italie, il était vraiment crédité Saban. Donc du coup, c'est là qu'il a fait la jonction. Et en plus, après, une fois que tu sais, tu dis, bah oui, le son, ok, c'est logique. Oui, évidemment, c'est du savon. Donc c'est du savon caché, en fait, c'est le premier générique de Gigi. Et le deuxième, a priori, c'est aussi un générique savon, mais il a été produit et enregistré par une jeune fille qui, alors, l'interprète, elle s'appelle Marilyn Lassen, mais en fait, c'est la fille de Jean Lassen, qui était le producteur des Forbans. D'accord. Voilà, et qui a fait cette petite incursion dans le générique. A priori, c'est la seule chose qu'il ait fait dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est lui qui a réorchestré, qui a fait cet enregistrement pour moderniser le générique de Gigi lors de la deuxième diffusion. Ok. Oh, très belle anecdote. On va un petit peu avancer, Olivier, parce que j'aurais aimé que tu me parles des 4 sizes. Franchement, ton bouquin, encore une fois, il faut le parcourir, c'est formidable, c'est vraiment bien réalisé. Là, on va passer, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des célébrités, mais cette fois-ci qui sont au service des génériques. Alors, quelqu'un, moi, qui m'a marqué, c'est Marie Dauphin, parce que déjà, j'aimais beaucoup sa voix. En plus, c'est quelqu'un qui est très actif sur notamment Facebook. Il y a souvent des échanges qui se fait avec son public qui la suivent, elle répond à tout, enfin elle est vraiment agréable comme personne. Et Marie Dauphin, c'est quand même Bibi Fock, c'est dans les plus connus, on a Clémentine et Lady Oscar. Je t'invite à écouter le cultissime générique de Clémentine et après tu nous racontes un petit peu la vie de Marie Dauphin. Alors Marie Dauphin, elle arrive dans Récréa 2 à une époque où... Récréa 2. Oui, c'est Jacqueline Joubert, la évidemment. Directrice des programmes et productrice de l'émission. Il y a déjà Dorothée à cette époque-là, mais l'équipe de Récréa 2, des présentateurs, c'est vraiment une bande. Et l'idée, c'est effectivement qu'il y ait des nouvelles personnes, qu'il y ait du sang neuf, des nouvelles idées. Et voilà, elle est repérée. Marie Dauphin, au départ, elle a fait l'école du cirque. Ça se voit, d'ailleurs. Dans les clips qu'on pouvait voir à l'époque, elle se mettait souvent en scène, un peu en clown ou des trucs comme ça. Et oui, elle jonglait aussi, puisque c'était les premières choses qu'elle faisait quand elle a commencé à présenter l'émission. Voilà, puis donc elle trouve sa place parmi tous les animateurs de l'équipe. Et à cette époque-là, Jacqueline Joubert voulait aussi que les animateurs chantent. Ça a commencé avec Dorothée, il y a eu les premiers succès de Recréa 2, c'était les Schtroumpfs. Roxy Rookie, non, c'est pas Recréa 2, ça. Roxy Rookie, c'était pas vraiment un générique, c'est un générique du film de Disney. Mais en tout cas, Dorothée, Dorothée, elle avait commencé par faire un générique de Candy, qu'elle est loin en Amérique. Et ensuite, elle a fait les Schtroumpfs, qui a été un énorme succès. C'est marrant, ça, petite parenthèse. Schtroumpfs, c'est un générique. Quand tu vois des rediffs où mes enfants ont l'occasion de revoir le dessin animé d'époque, mais t'as plus la version chantée de Dorothée. Non, ils les ont enlevés. Je sais pas pourquoi, peut-être une question de droit. Ils imposent maintenant de mettre la dernière version en date. Oui, je pense que c'est des questions de. Ah, moi, ça fait bizarre droit, pour moi. Les Schtroumpfs, c'est Dorothée. Point barre. Je pense qu'on les reverra jamais les génériques de l'époque. Schtroumpflala et tous les premiers. Au risque de dire une ânerie, c'est le même générique, mais c'est plus Dorothée qui chante, non? Oui, voilà, ça a été uniformisé. C'est effectivement des enfants, je crois, qui chantent. Et puis c'est un peu sifflé. Je sais pas, moi, c'est Dorothée. Puis c'est. Donc, du coup, oui, Jacqueline Joubert demande aux animateurs de chanter, et forcément, Marie Dauphin, elle en fait partie. Marie Dauphin, au départ, elle ne veut pas chanter. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais appris à chanter, je ne suis pas chanteuse, ce n'est pas mon truc, voilà. Finalement, un peu poussée par Jacqueline, parce qu'on ne disait quand même pas non à Madame Jacqueline Joubert, elle le fait, et voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, la chanson, ça fait partie de la vie de Marie. Maintenant, elle adore ça, elle a même fait ses propres chansons. Et c'est quoi son premier disque, entre guillemets, enfin, officiel ? Je crois que c'est... Alors, je crois que c'est Bibi Fleur, je crois que c'est le Petit Teddy, je crois que les premiers qu'elle a Teddy commencé c'est par pas sortir. C'est pas le truc que le Luron chantait, non ? Je te dis... Non, ça c'est le petit Sid. J'arriverai pas à te coincer, Olivier. Non, j'y arriverai pas. Hein. Le petit Teddy, c'était une série en stop motion d'animation de marionnettes qui venait de l'Europe de l'Est. Ça me parle. C'est pas très connu. Hein. C'est passé qu'une fois dans Récréa 2. En tout cas, elle a fait un générique de début et un générique de fin. Voici le petit Teddy et Teddy s'endort. Et je crois que c'est moi, ça les bien premiers les génériques. Tu te rappelles de ça? Mais ça, c'est parmi les dernières, c'est les chansons qu'elle a fait. Parce que voilà, après avoir fait des génériques, elle a aussi fait quelques chansons. Elle a sorti un album où il y a des chansons comme Hippotam-Tam, Les Transports qui me transportent, composé par Richard de Bordeaux, qui est un ancien chanteur et qui avait aussi composé la plupart des chansons, écrit la plupart des chansons de Marie Dauphin. Et avec Paul Persavon, le fameux pseudonyme d'Antoine de Caunes, oui. qui a fait Lady Oscar et Clémentine si aussi. Si on ne s'écouterait pas d'ailleurs Lady Oscar. Allez. On est dans le culte, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, là ? Oui, c'est rigolo parce que les chansons finalement qu'elle a chantées aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'elles correspondent parfaitement à la personnalité de Marie Dauphin, peu, ouais. Que ce soit ouais, Clémentine, Lady Oscar, ce côté un petit peu garçon manqué. Et voilà. Et aujourd'hui, elle aime bien les chanter, mais elle aime bien aussi les transformer. Ouais, elle fait des versions acoustiques et tout. J'ai déjà vu. Voilà, ouais, au ukulélé. Parce que je crois que c'est son instrument de prédilection, en plus, le ukulélé. Hein. Oui, ouais. Entre autres, oui. Et pareil, quid du succès aussi de Bibi Fop, parce que. Bon, moi je regardais, je le disais pas trop aux copains à l'école, mais j'aimais bien Bibi Fock. Et puis surtout, c'était son générique, moi, qui m'avait marqué. Bon, je crois que c'est surtout le générique qui a bien marché, parce que près d'un million de disques vendus, le dessin animé en lui-même, il était je pas terrible. Que je m'en après. Peu, en fait. C'était des enfants qui essayaient de sauver le bébé Fock, hein, des chasseurs. Bon. Oui, mais comme beaucoup de dessins animés américains de cette époque, c'est vite très répétitif avec un scénario qui est toujours le même. Je suis méchant, je vais attraper ce voilà, bébé Fock. Et puis après, Bibi Fock, il est devenu adulte, donc il n'y avait plus d'intérêt. Non, je déconne. Mais oui, enfin, c'est vrai que cette chanson, moi j'aime beaucoup. Sincèrement, je suis content de l'avoir retenue parce que c'est une artiste qu'on ne cite pas assez. Parce que, qu'on le veuille ou non, elle était un peu dans l'ombre de Dorothée. Moi, Dorothée, j'adore aussi, attention. Hein, mais il y avait une forme de compétition qui s'était un peu installée, effectivement, entre, alors que les deux personnalités étaient complètement différentes. D'ailleurs, à la fin, Dorothée part sur la une et Marie Dauphin, elle reste sur la deux. Et je crois que ça a sonné un peu le glas, hein, de Récréa 2. Non, après, ça a vivoté un petit peu, non ? C'est resté un an, et après, effectivement, l'émission s'est arrêtée. Ah ouais, non, mais clairement, Récréa 2, bon, c'était quand même Dorothée, qu'on le veuille ou non. Mais, je pense pas que c'était Dorothée, mais c'était toute une équipe et une ambiance, et quand les trois quarts de l'équipe s'en va, puis après, c'était aussi un moment où la télévision a changé, affronter le bulldozer de la télé privée qui arrivait avec le club Dorothée, qui pour le coup et à l'époque était peut-être novateur et apportait quelque chose clairement. De différent par rapport à l'émission. C'était moins infantilisé, entre guillemets. Hein, je pense pas que Récréa 2 était infantilisé, mais ça avait un côté un peu plus éducatif, ludique, alors que Dorothée c'était plus potache et avec un robinet de grosses séries. voilà, bon, qui était révolutionnaire quand pour l'époque. Quand tu discutes un petit peu autour de toi, pour moi j'ai 43 ans, les personnes de mon âge, on va dire c'est Team Récré à 2, t'enlèves ne serait-ce que 3-4 ans, c'est le reste, tout le reste c'est Club d'eau, hein, clairement. Oui, oui. Ok, donc on va arriver doucement un petit peu vers la fin de l'émission, à savoir les auteurs de générique, et j'ai retenu le patron, le boss, celui qui on en parle depuis qu'on a créé Décennies, à savoir Shuki Levy. Et je vais te lire, parce que tu as le conducteur sous les yeux, trop de choix. J'ai pas pu me décider, Olivier. Donc je te donne les rênes de la rubrique complètement. Quel choix tu devrais retenir ? Allez, je vais même te poser un challenge. Quel est le titre que tu aimerais retenir de Shuki Levy ? Shuki Levy, pour moi, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or, hein. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Alors Shuki Levy, il faut aussi parler de celui qui travaille avec lui, Aïm Saban. Alors c'est vrai qu'Aïm Saban est beaucoup plus connu parce qu'il est le producteur, l'instigateur. Bon, Aïm Saban, lui, il a commencé, il était musicien, mais très rapidement, il se rend compte qu'il est plus doué pour le sens des affaires que pour la musique. Il va découvrir Mike Brandt, c'est lui qui l'amène en France, qui fait sa carrière en France, et surtout, il va découvrir le jeune Noam, et c'est lui qui va produire ce jeune artiste. Il récupère par hasard les droits pour faire des génériques de Goldorak. Il prend tous les risques parce que personne veut sortir son disque, et puis voilà, et ben il va en vendre, je crois, 2 millions dès le départ, et ça va faire sa fortune. Et grâce à ça, il comprend surtout Aïm Saban que un générique de dessin animé, allez, à cette époque-là à la télé, c'est une fenêtre incroyable de promotion, et que ça peut générer des gros revenus. Donc c'est pour ça qu'il décide de partir à Los Angeles. C'est vrai que ça nous paraît évident, mais c'est tout nouveau pour l'époque. À l'époque, c'est nouveau. Goldorak est le premier générique qui se vend à plus d'un million d'exemplaires, en fait. Le premier générique de dessin animé. Donc voilà, il y a des gens qui découvrent vite que c'est quelque chose de crucial. C'est celui de Noam, le grand Goldorak. C'est vraiment celui-ci, puisque celui d'avant d'Enrique n'était jamais sorti. Et voilà. Et à partir de là, du coup, Saban, il va faire les génériques de Goldorak. Il va en faire d'autres. Hein. Il va faire ceux des Goldies aussi. Il va faire ceux de Lionel Leroy et l'aventure continue. Et puis surtout, voilà, les premiers, les produits en France. Et puis derrière, il voit vraiment que c'est tout un business. Et il va à Los Angeles parce qu'il estime que là-bas le son est meilleur. D'ailleurs, ça s'entend, les génériques Saban, ils ont vraiment un son quand même qui est, je dirais, quand même au-dessus d'un bon nombre d'autres. Et il amène avec lui donc Shuki Levy. Shuki Levy, lui, c'est pareil, C'est quelqu'un qui a commencé à faire carrière en Israël. Il avait un duo avec une jeune femme qui s'appelle Aviva, Shuki et Aviva. Ils vont faire des hits en Israël et en France aussi. Ils étaient bien bien connus et ils avaient un gros succès d'estime, je crois. Dans les années 70, oui, ils vont vendre pas mal de disques. Voilà. Et ensuite, le petit déclencheur, c'est qu'ils partent. Ils ont besoin de faire un break, Shuki et Aviva. Et ils partent, je crois, en Argentine, en tout cas en Amérique du Sud, pour des vacances, pour se poser. Et c'est là que Shuki Levy va tomber amoureux du son, de la musique sud-américaine. Oula, est-ce que tu n'es pas en train de nous définir les contours des mystérieuses cités d'or, là, non ? Et voilà, et ensuite, je fais un saut de 10 ans, mais quand, au début des années 80, il se retrouve, Saban le fait venir dans son studio et le nomme un peu compositeur attitré, et va le faire travailler pour qu'il fasse, au départ, uniquement des génériques, parce qu'au départ, ils font vraiment que des génériques. Et voilà, et puis un jour, on les appelle, on leur dit, on a une série, on n'a pas la version internationale, cette fameuse bande internationale qui permet de faire le doublage. Ils ont Claveo mixé avec les voix japonaises, il faut recréer une bande son, il faut refaire toute la musique et les effets sonores. Bon, Shuki, il va falloir faire plein de musique, et cette série, c'est Bomber X, en fait. Chanté par Lionel Leroy. Non, voilà, c'est la première pour laquelle Shuki fait les musiques. Et juste derrière, il y a... Ah oui, j'ai pas parlé aussi de l'expérience Ulysse 31. Au départ, les musiques, elles sont pas faites par Shuki Levy. Elles sont faites par Ike Gan et Denis Crockett, des Américains qui ont fait ça. Mais Jean-Charles Lepin, il est pas super satisfait au départ de ces musiques. Et notamment, il aime pas les génériques. Ils en ont fait deux différents. Un peu disco, un autre un peu plus rock façon Queen. C'est pas ceux qui ont été utilisés dans les versions internationales, si, non ? Si, c'est ouais, ça, oui, oui, c'est oui, ça. On les trouve d'ailleurs sur le double CD qui est ressorti il y a pas si longtemps. Mais évidemment, ça ressemble pas au générique qu'on a en France et ça plaît pas Jean-Charles Lepin. Le problème, c'est qu'il a plus de sous sur Ulysse, entre le pilote, tous les déboires qu'a eu cette première production qu'il a fait, et puis tout le budget musique qui est parti déjà dans le truc. Il a plus de sous, mais il a pas le générique qu'il faut. Et là, il croise la route de Haïm Saban qui lui dit « Écoute, si tu veux, je te fais un générique, c'est gratuit. Mais, et toi, la seule chose que je te demande, c'est que moi, je sors le disque et toi, tu le passes à la télé. » Ok, et ben il dit « Super. » Et il fait les premiers génériques d'Ulysse par Lionel Leroy. carton. Et derrière, ils vont garder ce deal. Ils lui proposent, moi, je te fais tous tes génériques, tes trucs, je te les fais gratuits. Tu me laisses juste les exploiter. Et c'est gagnant-gagnant. Enfin, il ne faut pas avoir l'impression qu'il y en a un qui escroquait l'autre. Non, c'est gagnant-gagnant, ils s'y retrouvent tous les deux. Évidemment, Am Saban, lui, s'y retrouve sur les ventes de disques parce que Ulysse, le générique d'Ulysse, le top 50 existait mais n'était pas publié. Il n'y avait pas l'émission top 50. Mais on sait aujourd'hui, en retrouvant des vieux classements, que le générique d'Ulysse, il a été super bien placé dans les ventes de 45 tours. Et donc, c'est à partir d'Ulysse que commence la collaboration entre Jean Chalopin et Am Saban et Chucky Levy. Et voilà, et après Ulysse arrive Les Mystérieuses Cités d'Or. Là, cette fois-ci, il faut à nouveau faire toutes les musiques pour les territoires internationaux. Les Japonais vont faire leur propre musique de leur côté. Ah, c'est bizarre. Mais, c'est un peu bizarre. Je suis pas fan. Honnêtement, je la connais parce que j'ai creusé et en fait, elle est tellement au-dessus de tout, cette OST. C'est pas pour rien que tu l'as retenue, je pense. Oui. Que je ne tolérerais aucune cover ou tu vois, enfin, sauf Yannick, évidemment. Mais je sais pas, mais j'avais pas accroché. C'est quelque chose que j'ai découvert, encore une fois, il y a très peu de temps quand j'avais préparé l'émission. Et non. Désolé, mais non. Et voilà. Et en tout cas, ça va être le premier vrai gros travail. Effectivement, juste avant, Chucky, il avait fait les musiques de Bomber X, mais il n'y en avait pas beaucoup à faire des musiques. Là, pour les Cidors, il y en a vraiment un paquet à faire, et c'est vraiment là où il va tout donner. Et c'est là, voilà, qu'il va repiocher dans son influence, son séjour en Amérique du Sud. Forcément, là, ça fait écho, et on va retrouver ses sons. Dans les autres influences qu'il cite également, il adore la musique grecque aussi, et c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose aussi de ça qu'on peut retrouver dans certains arrangements des Cités d'Or. Ils vont faire toutes les musiques de toutes les productions de Jean Chalopin chez la Dick, que ce soit Jace et les Conquérants de la Lumière, les Mini-Pousses, Inspecteur Gadget, les Maîtres de l'Univers, toutes ces séries. Alors, les Maîtres de l'Univers, c'est pas Chalopin, mais c'est une autre commande à côté. Mais voilà, ils vont être vraiment très demandés, et ils vont vraiment travailler beaucoup, beaucoup. Les Maîtres de l'Univers, c'est pas une sorte de phase B des Mystérieuses Cités d'Or, un petit peu, non? J'avais ouï dire qu'il y avait quand même des pistes qui avaient été réutilisées. Non, après, ce qui se passe, c'est que... Évidemment, au bout de 20 séries pour lesquelles ils ont fait toutes les musiques, il a beau avoir beaucoup de talent, Chucky Levy, il n'était pas tout seul à composer. On sait aujourd'hui que même si sur les crédits il y a marqué que Am Saban, Chucky Levy, en réalité, Noam, il a fait des musiques pour les Cités d'Or. Nick Carr, il a travaillé aussi sur les arts. En fait, ils étaient toute une équipe en studio, et il y en a qui faisaient certains morceaux, d'autres qui en faisaient d'autres. Les idées fusaient, et c'est comme ça qu'ils travaillaient. Donc il y avait tout un vivier, en fait, de personnes qui travaillaient. Mais malgré ça, je pense qu'au bout d'un moment, le carnet de commandes, il est tellement gros que la cadence accélère, on n'y apporte plus le même soin, et puis surtout ils finissent après par réutiliser un peu des choses. Donc oui, quand t'écoutes les musiques, ils ont sorti un complet soundtrack des Maîtres de l'Univers, un double CD. Ouais, je l'avais écouté. C'est vrai, ouais. Qu'au bout d'un moment, ouais, j'ai déjà entendu ça. Tu reconnais un peu les sons, les arrangements, c'est toujours plaisant, on reconnaît le style, etc. Mais c'est moins original que les premiers qu'ils ont fait, et notamment les Cités d'Or. Et encore une fois, je vous invite vraiment à écouter ou réécouter les émissions qu'on a fait sur Ulysse 31 et sur les Mystérieuses Cités d'Or, parce que donc on avait reçu David Collin et Yannick Rowe qui parlent vraiment matos. Et je trouve que c'est un aspect que je trouve ça passionnant. Bon, évidemment, tu dois connaître le sujet par cœur, Olivier, mais le matériel utilisé, évidemment, je serais incapable de te ressortir un nom, mais c'est un matériel qui est de son temps et qui est, ce que nous expliquait notamment Yannick, qui était très, très, très difficile à émuler aujourd'hui. Et du coup, il nous parlait les instruments qu'il avait rachetés, qu'il avait fait réparer, etc. En fait, l'espèce de voyage que nous proposait Yannick à travers les instruments pour retrouver les sonorités qui avaient été notamment utilisées. Ok, donc on arrive doucement à la fin. On a gardé une petite rubrique qui est évidemment présente dans ton livre, Olivier, c'est le secret des génériques. Alors, histoire que tu nous réserves encore plein de belles choses pour les gens qui achèteront évidemment ton livre, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes assez croustillante à nous donner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? À la fin, en fait, on avait tellement recueilli d'infos avec Rui qu'on a essayé de les placer sur les portraits, sur les... la partie un générique, une histoire, mais à la fin, il y avait plein de petites choses qui ne méritaient pas d'être développées sur une page. Donc, c'est vrai qu'on a balancé à la fin tout un tas d'anecdotes un peu fourre-tout, pensant que ça serait un peu pointu et que là, c'était vraiment la partie pour les fans qui connaissent les trucs, les... Mais finalement, oui, c'est quelque chose qui plaît bien et qui... J'ai remarqué même des gens qui ne sont pas forcément à fond sur tous les génériques ont beaucoup aimé cette rubrique. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, il y a certains disques en France de génériques qui sont sortis avant que le dessin animé et que la série elle soit diffusée en France. C'était le cas, par exemple, de But pour Rudy, le générique de Claude Lombard, ou même Albator 84, qui est sorti plusieurs semaines avant même qu'on entende les premières notes du générique à la télé. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, frappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il y en a plusieurs comme ça, des disques. Ça, c'est comme au niveau marketing, c'est risqué. Hein. Moi, je pense surtout que c'était un peu compliqué et que la coordination entre la maison de disques qui pressait le disque et puis la chaîne de télé qui peut-être devait finalement décider de ne pas programmer un truc qui était au départ prévu tout de suite ou qui a eu une déconvenue technique, une livraison d'épisodes qui n'était pas prête pour lancer la série. Et qu'on reçoit, ils ne pensaient pas à prévenir, ou alors il y avait une certaine inertie peut-être à l'époque et qui faisait que le truc sortait alors que c'est finalement le truc n'était pas prêt. D'accord, et tu as un dernier truc que tu aimerais nous évoquer? Non, on a aussi fait une petite rubrique sur les 45 tours les plus rares parce qu'on s'est rendu compte. Alors moi, il y a beaucoup de disques, j'avais pas conscience que j'avais des disques qui étaient rares parce que soit je les ai achetés à l'époque. Donc je les ai trouvés tout de suite, ou soit même des fois c'est des disques, comme je travaillais à Super Music et que j'étais en relation aussi avec les maisons de disques, c'est vrai que j'avais beaucoup de disques qui sortaient, on en recevait plusieurs à Super Music, j'en avais un pour moi, ou des fois la maison de disques m'en filait un, et je sais que j'ai aujourd'hui des trucs et j'ai pas réalisé à l'époque que c'était rare, mais voilà, il y a aujourd'hui des disques qui sont très difficiles à trouver, comme par exemple le générique de Galaxy Rangers, tout simplement parce que c'est un des derniers disques sortis par la maison de disques Vogue. Et la maison de disques a cessé ses activités au moment où le disque il est sorti. Il était très peu distribué là. Et ouais, très peu distribué, très peu d'exemplaires. Curieusement aussi, le deuxième générique de Nicky Larson, pourtant le premier avait cartonné, hein, chanté par Jean-Paul Césari. Ensuite, peut-être un an après, il enregistre une nouvelle chanson, la chanson de Nicky, qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs compilations. Et j'avais jamais pensé que ce disque pouvait être rare, surtout et en plus il est signé, non? Oui, mais pourquoi il est rare? Alors il est pas signé, mais bon. Et t'as la réponse ou pas? Oui, parce qu'en fait il est sorti, je crois en 1993 ou 95, et c'était déjà la fin du disque 45 tours en fait. Exact. Donc du coup, il a été très peu distribué. Il y avait déjà plus les étals de 45 tours. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de disques rares. C'est ceux qui sont sortis dans cette période-là. Oui, on avait déjà basculé dans le CD de titres. Oui, voilà. Donc, du coup, petit à petit, je me souviens de cette époque où les magasins remplaçaient leur linéaire par des bacs à CD et plus des bacs à 45 tours. Ah là là. Donc, du coup, Ou voilà, il y a aussi Il était une fois la vie, qui est très dur à trouver. Alors que moi, bah, c'est le créateur Albert Barrier qui a eu la gentillesse de m'offrir un de ses propres exemplaires. Il lui en restait plus beaucoup. Donc voilà, j'ai depuis longtemps. Il a une valeur sentimentale. Alors, en plus, oui. Mais tout simplement parce qu'il n'est pas sorti en France. La chanteuse était belge. Le disque, il est sorti en Belgique, mais en fait, il n'est pas sorti en France. Donc du coup, alors il est peut-être plus facile à trouver aujourd'hui en brocante en Belgique, mais en France, du coup, d'accord. C'est une rareté. Ah, c'est curieux, ouais. J'avais noté aussi qu'il y avait, je crois notamment sur Cobra, que tu avais plusieurs éditions du même titre, oui. Et que c'est exactement la même chose. Oui, on a expliqué ça, notamment les disques IDDH, à une époque, ils étaient doublement édités. Ils étaient édités dans une collection qui s'appelle Canal Junior, et ils étaient édités aussi chez Hades. Quelle est la raison de ça, d'une double édition ? Je sais pas, peut-être que un contrat pour le distribuer dans un circuit, un autre contrat pour avoir une meilleure diffusion, c'était peut-être. Les mêmes pochettes, non ? C'était quoi ? Alors justement, non. Par contre, les pochettes sont différentes, mais par contre, le disque est vraiment exactement le même. C'est le même pressage, mais c'est des pochettes différentes. D'accord, ok. Donc, il y en a qui sont peut-être plus rares que d'autres, alors. D'une manière générale, les deux sont aujourd'hui pas forcément faciles à trouver. D'accord. C'est probablement des questions aussi de quantité qui ont été mises sur le marché à l'époque. Ouais. Très bien. Ok, bon, bah écoute, Olivier, je pense qu'on a fait un joli tour. Si là, on n'a pas donné envie de parcourir le livre, je ne sais plus quoi faire, changer parce de radio. On est loin d'avoir tout dit. Il y a encore plein d'autres choses à apprendre. Voilà. D'accord. Si on veut justement passer commande, Olivier, tu nous conseilles quels canaux ? Bon, c'est le livre. Alors, on est édité par une maison de disques qui est assez modeste, qui s'appelle Inis Édition, mais cela dit, qui est quand même bien présent dans les gros circuits, Fnac, Cultura, les gros points de vente. Normalement, n'importe quelle librairie est censée pouvoir le commander, même si, on n'est pas forcément présent dans toutes les librairies, mais si vous allez dans les magasins aussi spécialisés, un peu manga, geek, vous le trouverez. Et puis sinon, sur les sites de vente par correspondance, les plus classique. Ok, donc bah écoute, cette émission arrive à sa fin. Encore une fois, Olivier, mais mille merci, ça me fait tellement du bien de parler. Ben merci, et je repasse encore un petit coucou à mon collègue Rui, ouais. Qui aurait pu en raconter encore tout autant que moi. Et bah peut-être pour le deuxième volume avec Rui, non, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a assez de la matière pour faire même si quand on a fait ce livre, donc comme je disais au début, on a relancé nos investigations, on a essayé de recueillir un maximum d'infos, puis il y a toujours le moment où faut arrêter le livre. Et les pistes qu'on a lancées ont rien donné, et puis voilà, il y a des fois il y a des trucs qui se réveillent une fois que le livre. Parce qu'au final, vous avez mis combien de temps à le faire ? C'est vrai que je n'ai pas pensé à te le demander. L'écriture, quelques mois vraiment à fond à écrire. Ça n'a pas été si long. Le projet a démarré par étapes. Un an avant, l'idée a germé, mais le temps après de se mettre d'accord sur le nombre de pages, le format, etc. Il s'est bien passé plusieurs mois, le temps de signer un contrat aussi. Ensuite, les premiers mois, ça avançait doucement. On va décider un peu de ce qu'on allait mettre. Et puis, c'est vraiment après que ça s'est accéléré. Donc, l'écriture hardcore, on va dire, là, ça s'est vraiment fait en 3 mois, peut-être. D'accord. 3-4 mois. Mise en page comprise et tout. Et la mise en page, un mois de plus après pour la mise en page, ouais. Ok, bah écoute... Et pour la mise en page, oui, on n'a pas précisé, mais on a fait le choix de surtout mettre des pochettes de disques, nos pochettes d'époque, nos disques qu'on a essayé de scanner dans les états les mieux conservés possibles pour avoir des belles pochettes. Ah, c'est vos pièces personnelles qui sont scannées, en fait. Quasiment, oui, il y a eu des petits coups de main, et je salue... Fred Gosboff aussi qui nous a bien aidé avec sa belle collection et aussi le relais aussi dans les groupes, notamment le groupe des génériques télé qui pour trouver quelques pièces qui nous manquaient à la fin nous a été aussi nous a bien filé un bon coup de main. Et ensuite on a aussi fait l'effort de chercher aussi des photos de la plupart des interprètes. Malheureusement pas tous, certains c'était compliqué, mais on voulait aussi vraiment mettre des photos pour montrer, donner un visage à tous ces interprètes de générique, puisque comme la plupart ne sont pas forcément connus, c'était bien aussi de pouvoir les identifier. Bon bah écoute, encore une fois, très très bel ouvrage, j'ai vraiment hâte de le parcourir en entier, parce que j'ai eu que quelques belles feuilles. Pour conclure, Olivier, si on veut échanger avec toi, est-ce que sur quel type de réseau on peut te retrouver ? Personnellement, je suis sur Facebook et je suis sur Twitter avec mon nom, mon prénom, Olivier Fallet. C'est facile écoute, à trouver. On ne peut plus simple, c'est difficile. Alors, pour clôturer, Olivier, moi j'ai une petite requête parce qu'on n'a pas encore le plaisir de bien se connaître, mais je suis un grand fan devant l'éternel du héros cornu, à savoir Goldorak. Vraiment, on lui a fait mille et une émissions. On lui a consacré deux pages rien qu'à lui pour lister tous ses génériques. Mais oui, mais c'est la seule série. C'est la base de tout parce que c'est ce générique qui a lancé tout finalement. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Ah oui, une autre chose aussi. Alors, on va raconter mille choses, mais on a eu l'immense chance que Noam nous a fait une préface pour le livre. Oh. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau parce que Noam. Déjà, donc c'est celui qui a vendu, c'est le générique qui s'est vendu le plus en France de tous les génériques de dessins animés sortis. Ah oui, Bernard Minet compris tout. Enfin, oui, oui. Alors Bernard Minet, si on cumule tous les disques, non, peut-être non, plus. Non, non, du single. Non, c'est Goldorak. Ah, 4 millions de disques, personne n'a atteint ça. Même Bioman, même le plus gros succès qu'il y a eu. Donc déjà c'est la plus grosse vente, c'est comme tu le disais, c'est lui qui a tout lancé, c'est lui qui a lancé tous les génériques qu'il y a eu en France parce que justement il y a eu ce succès. Et puis en plus le petit plaisir, la boucle est bouclée parce que aujourd'hui Noam il compose et il écrit des génériques et pas n'importe lesquels, les génériques qui ont le plus de succès aujourd'hui comme Miraculous Ladybug. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée et lui qui a interprété, qui a fait le plus gros succès aujourd'hui, il fait les succès des génériques d'aujourd'hui et même il est un de ceux qui fait encore des génériques un petit peu à l'ancienne, des génériques qu'on retient. Donc en plus l'avoir et qu'il nous signe cette préface, encore merci à lui, ça nous a fait vraiment très plaisir. Je te dis encore une fois, au dernier numéro on lui a consacré un numéro complet rien que pour lui parce qu'on en parle tout le temps et on n'avait jamais eu vraiment l'occasion de faire un vrai éclairage sur lui. Et oui, clairement, enfin, il a bercé tout un pan de notre enfance, on est bien d'accord. Oui. Ok, donc comme je te disais, donc je suis un grand fan devant l'éternel du héros cornu et j'aimerais mettre un petit peu en lumière un des génériques de Goldorak qui est peut-être un peu moins connu, pas pour moi parce que je suis très fan, et ben on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est Goldorak et les deux Mazinger chanté par Michel Barouille. Olivier, encore une fois, au nom de toute l'équipe, mille merci d'avoir accepté notre invitation, tu reviens quand tu veux. Hein. Et merci. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci encore, Olivier. Merci pour l'invitation. À très bientôt.